بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. On va voir dans le cours d'aujourd'hui ce qui concerne le fait de hâter la rupture du siyam et également le fait de retarder السحور, qui est le repas qui est pris en fin de nuit. قال وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر متفق عليه. Le messager d'Allah a dit « Les gens ne cesseront d'être dans le bien tant qu'ils s'empresseront de rompre le siyam. » Ce hadith est rapporté par le Bukhari et Muslim. Le hadith suivant « Walid Tirmidhi, min hadith Abi Huraira, radiallahu an, an al-Nabi alayhi salatu wa salam, qala, qala Allah azza wa jal, ahabbu ibadi ilayya, a'jaluhum fitra. » Le prophète alayhi salatu wasalam a dit, Allah azza wa jal dit, mes serviteurs les plus aimés sont ceux qui hâtent le plus la rupture du jeûne, c'est-à-dire ceux qui s'empressent le plus rapidement possible de rompre le siyam. Cheikh Mohamed ibn Hazm a dit que ce hadith-là était da'if, ce hadith est faible, car il y a dans la chaîne de transmission Qurra ibn Abdurrahman, qui est munkar al-hadith. Ces hadiths sont rejetés. On va s'intéresser tout premièrement à ta'jil al-futur, le fait de s'empresser de rompre le siyam. Les preuves qu'on a lues indiquent qu'il est recommandé de rompre rapidement le siyam. Et le prophète, alayhi salatu wasalam, a dit dans un hadith, « La yazal din zahiran ma ajjal an-nas al-fitr. » Donc ce din, cette religion, ne cessera d'être élevée et prédominante tant que les gens s'empresseront de rompre le siyam. ثم قال لأن اليهود والنصارى يؤخرون. Puis il a expliqué pourquoi. Il a dit que les juifs et les chrétiens retardaient la rupture du jeûne. Donc comme parvenu dans un autre hadith, les juifs et les chrétiens attendent jusqu'à ce que les étoiles apparaissent dans le ciel pour rompre le jeûne. Et également les rawafid font cela. Il y a plein de preuves qui indiquent de se différencier des mushrikin, des ennemis de l'islam. Comme par exemple, le prophète alayhi salatu wasalam a dit « Khalifu al-mushrikin, ahfu jawarib wa awfu liha. » Le prophète nous a dit de nous différencier des mushriks. Il faut se laisser pousser la barbe et se tailler la moustache. Donc le musulman suit la sunna du prophète alayhi salatu wasalam et non pas les effets de mode. Si la mode consiste à se laisser pousser la moustache, eh bien, il ne faut pas suivre cette mode-là. Et sachez que les modes sont passagères. Un jour, la mode consiste à ça et demain, ce sera autre chose. Donc nous, on suit la sunna du prophète et on est récompensé. Également, par exemple, si la mode est de se faire des tatouages, il ne faut pas suivre cette mode-là car le prophète, alayhi salatu wasalam, a interdit les tatouages. Donc on ne suit pas les modes qui sont contraires à la sunna du prophète, alayhi salatu wasalam. On précise bien cela. Ce ne sont pas toutes les modes qu'on ne suit pas. Ce sont les modes qui sont contraires à la sunna du prophète, comme les exemples qu'on a donnés. On doit donc suivre la sunna du prophète, alayhi salatu wasalam, et non pas imiter les ennemis d'islam. Sachez que le fait d'imiter quelqu'un en apparence indique un penchant intérieur pour cette personne. On ne va pas imiter quelqu'un si on ne l'aime pas, si on la déteste, c'est impossible. Et sachez que l'izza lillah wa lirasoul, l'izza, c'est-à-dire la puissance, la suprématie, s'obtient en suivant al-kitab wa sunna, et non pas en imitant les ennemis de l'islam comme certains se l'imaginent. Regardez par exemple la Ummah. Lorsque la Ummah était accrochée à son din, comme à l'époque du prophète, alayhi salatu wasalam, des sahaba, des tabi'in, des atba' tabi'in, eh bien ce sont eux qui dominaient le monde, que ce soit dans le domaine économique, technique, scientifique ou autre. Les Arabes avaient beaucoup d'avance sur l'Europe dans beaucoup de domaines, que ce soit l'agriculture, le commerce, les maths. Par exemple, dans le domaine des maths, les Arabes étaient très forts. Par exemple, ce sont les Arabes qui ont inventé le zéro. Avant, il n'y avait pas de zéro. À la place, ils laissaient un vide. C'est-à-dire, par exemple, que pour écrire 506, ils écrivaient 5 espace 6. Également, le mot chiffre et zéro viennent du mot arabe sifar, sifar qui signifie le vide, quand il n'y a rien du tout. Donc en latin, c'est devenu chifra, d'où le mot chiffre. Et en italien, c'est devenu zifero, d'où le mot zéro. Donc les Arabes étaient très forts en maths et ils ont beaucoup contribué au développement des maths, que ce soit l'algèbre, l'arithmétique, la trigonométrie, par exemple avec le sinus, le cosinus, la tangente ou autre. Également dans le domaine de l'astronomie, ils étaient très avancés. Et donc à l'époque, ils avaient la suprématie. Puis, quand ils ont commencé à délaisser leur din et se sont préoccupés par d'autres choses, eh bien, la faiblesse est apparue dans la Ummah. Et sachez que la solution à ce problème-là est il faut revenir à la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Inna Allah ma yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim. Sachez qu'Allah ne change pas les gens tant que les gens ne changent pas ce qu'il y a en eux. Quand les gens reviendront au din, eh bien Allah azza wa jal leur accordera la izza, la puissance et la suprématie. Donc comme on l'a dit, ici, le prophète alayhi salatu wa salam nous a dit de nous différencier des mouchriks et qu'il fallait hâter la rupture du siyam. Mais comme l'a dit l'imam Ibn Abd al-Barr, il faut être sûr que le soleil se soit couché avant de rompre le siyam. La deuxième question est, que se passe-t-il si on rompt le siyam avant le coucher du soleil ? Alors le fait de rompre le siyam avant le coucher du soleil fait partie des grands péchés. Ce qui indique cela est un hadith où le prophète alayhi salatu wasalam a vu certaines catégories de personnes qui se faisaient châtier. Et parmi ces catégories-là, eh bien, il y avait ceux qui rompaient le siyam avant le coucher du soleil. Et Al-Hafidh Ibn Hajar a critiqué cette bid'a qui consiste à avancer l'heure du fajr à peu près de 20 minutes pendant le mois de Ramadan et de retarder l'éveil au coucher du soleil, après le coucher du soleil. Donc ces gens-là ont fait le contraire de la sunna. La sunna consiste à hâter la rupture du siyam au maghrib et de retarder le sahur en fin de nuit. Donc eux ont fait le contraire. Ils se sont opposés à la sunna du prophète alayhi salatu wasalam. وقال الحافظ ابن حجر قل عنهم الخير وكثر فيهم الشر. Donc vu qu'ils se sont opposés à la sunna du prophète, eh bien il y a peu de bien en eux et le mal s'est répandu chez ces personnes-là. Donc tout le bien consiste dans le suivi de la sunna du prophète alayhi salat wa salam. La question suivante est-il permis de rompre le siyam si on suppose que le soleil s'est sûrement couché? La plupart des savants est d'avis que cela est permis. Ils se sont basés sur un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari où Asma bint Abi Bakr radiallahu anha a dit qu'ils avaient rompu le siyam à l'époque du prophète alayhi salatu wasalam un jour où il y avait des nuages, de la brume. Puis le soleil est réapparu. Donc ce cas-là s'est déjà produit à l'époque du prophète alayhi salatu wasalam. Et également, Ibn Abi Shayba a rapporté que cela s'est produit à l'époque de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. La question suivante est, que se passe-t-il si une personne rompt le siyam en pensant que le soleil s'est couché, puis se rend compte que le soleil ne s'est pas couché? La plupart des savants est d'avis que la personne doit arrêter de manger et qu'elle devra rattraper ce jour-là. C'est l'avis de l'imam Malik, de l'imam Ahmed, d'Abu Thawr, et c'est l'avis qu'a choisi Sheikh Ibn Baz. Ils se sont basés sur la parole d'Allah Ta'ala, « Thumma atimu siyam illa al-layl »« Jeûner jusqu'à la nuit ». Or ici, eh bien, la personne a rompu le siyam avant le coucher du soleil. Donc elle devra rattraper ce jour-là. Elle doit arrêter de manger et devra rattraper ce jour-là. Ils se sont appuyés également sur le hadith qu'on a lu juste auparavant. Alors, dans la suite du hadith, on a demandé à Hisham, qui est le rapporteur du hadith, si on leur avait demandé de rattraper ce jour-là, comme une dette. Et il répondit oui. Donc, il a dit qu'il fallait rattraper ce jour-là, de s'acquitter de cette dette-là. Donc, ils ont dit qu'il faut rattraper ce jour-là. Et également, on a vu que Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, s'est retrouvé dans cette situation-là. Et il a jugé bon de rattraper ce jour-là. Et d'autres savants ont dit que la personne doit arrêter de manger et qu'elle devra rattraper ce jour-là. C'est l'avis d'Ishaq, également l'avis de l'imam Ahmed dans une version de Daoud et d'autres savants. Et c'est l'avis qu'a choisi Sheikh l'Islam Ibn Taymiyyah et également Sheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayhi majma'in. Ils se sont appuyés sur la parole d'Allah Ta'ala, « Rabbana la tuakhidna innasina wa akhta'na » Allah ne nous châtie pas s'il nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur. Donc ils ont dit ici que la personne a commis une erreur et qu'inshallah, Allah Azza wa Jal lui pardonne. Également, ils se sont appuyés sur ce hadith, « Inna Allah tajawaza an ummati al-khata wa nisyan » Allah Azzawajal ne tient pas rigueur de ce que les gens commettent par erreur ou par oubli. Or ici, la personne a commis une erreur. Donc, Inch'Allah, Allah Azzawajal ne lui tient pas rigueur de cette erreur-là. Min bab al-fa'ida, ce hadith-là, la yathbut. Cheikh Ibn Hizam a dit que ce hadith-là avait une faiblesse, mais que son sens était authentique, son sens était juste. Ils ont également cité que ce cas-là était semblable de celui qui mange ou boit par oubli. Celui qui mange ou boit par oubli, eh ben son siyam est valable. Comme l'a dit le prophète, alayhi salatu wasalam, « Man nasiya wa wasa'im fa'akal au sharib, falyatim sawma » Donc celui qui mange ou boit par erreur doit continuer son siyam. Donc ils ont dit que ce cas-là était semblable à celui-là. Cheikh Mohamed Ibn Hizam a dit que cet avis-là était l'avis le plus juste. Donc celui qui rompt le siyam en pensant que le soleil s'est couché doit arrêter de manger et n'a pas à rattraper ce jour-là. Reste quelles sont les réponses aux premiers arguments, aux arguments du premier avis. Alors, le premier argument était ce verset. « Thumma atimu siyam al-layl » Jeûner jusqu'à la nuit. Donc ils ont dit que ici la personne n'a pas jeûné jusqu'à la nuit. Eh bien la réponse est que cette personne-là a rompu le siyam en pensant que la nuit était tombée. Et on a vu auparavant qu'on pouvait rompre le siyam si on supposait fortement que le soleil s'était couché. Et la réponse au fait que Hicham, lorsqu'on a posé la question à Hicham, est-ce que vous avez rattrapé ce jour-là et qu'il a dit oui, eh bien en fait les savants ont dit que c'était l'avis d'Hicham. C'est un nishtihad d'Hicham. C'est lui qui a jugé bon de rattraper ce jour-là. Il a jugé bon qu'il fallait rattraper ce jour-là. Et c'est exactement la même chose pour le cas de Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu. Donc, c'est lui qui a considéré bon de rattraper ce jour-là. C'est un nishtihad de sa part. Et on peut aussi dire que c'est par précaution, qu'ils ont rattrapé ce jour-là par précaution. La question suivante concerne le cas de celui qui prend l'avion au coucher du soleil. Ici, on a deux cas de figure. Le premier cas est si le soleil s'est couché et qu'il a mangé. Alors, dans ce cas-là, il peut continuer à manger quand l'avion décolle, même s'il revoit le soleil une fois dans le ciel. Et le deuxième cas est si l'avion décolle avant le coucher du soleil. Alors, dans ce cas-là, il ne doit pas manger tant qu'il voit le soleil. Même s'il survole des pays qui ont déjà rompu le siyam, qui ont déjà mangé et qui ont prié le Maghrib, eh bien, tant qu'il voit le soleil, il ne doit pas rompre le siyam. Voilà la réponse à cette question-là. On lit le hadith suivant. « Wa an Anas ibn Malik, radiallahu anhu, qala Rasulullah alayhi salatu wasalam, tasahharu. » Le messager d'Allah alayhi salatu wasalam a dit « tasahharu ». Alors, « tasahharu », c'est le fait de prendre le sahur. Le sahur est le repas qui est pris en fin de nuit. فَاِنَا فِي السَّحُرْ بَرَكَةً Car il y a dans le sahur une baraka, une bénédiction. Tout premièrement, on va s'intéresser à barakat al-sahur, la bénédiction du sahur. Alors, tout premièrement, le baraka, il y a ثُبُوت الْخِيرْ الْإِلَيْهِ C'est lorsqu'Allah Azza wa Jal met le bien dans ce que tu as. Si Allah Azza wa Jal place le bien dans ce que tu as, eh bien même si tu as peu de choses, cela te suffira. Et au contraire, tu peux avoir beaucoup de choses, mais si elles proviennent par exemple de sources illicites, il n'y aura aucune baraka dans ce que tu as. Par exemple, si ce que tu as provient de choses volées ou de l'argent de l'usure de riba, eh bien il n'y aura pas de baraka dans ce que tu as. Donc nous, on doit veiller à ce que notre argent provienne de sources licites et non pas illicites. Inna Allah tayyib la yaqbalu illa tayyib. Allah Azza wa Jalla n'accepte que ce qui est tayyib, que ce qui est pur et bon. Et là, on va donner un exemple de baraka. Alors, à l'époque du prophète, alayhi salatu wasalam, certains compagnons sont venus le voir et lui ont dit « Inna na'kulu wa la nashba'. » Ils lui ont dit « On mange, mais on reste toujours sur notre faim. » Alors, le prophète, alayhi salatu wasalam, leur a dit « La'allakum taftariqun. » Il a dit « C'est sûrement parce que vous ne mangez pas en commun, vous ne mangez pas ensemble autour du même plat. » Donc il leur a dit fajtami'u 'ala ta'amikum, il leur a dit de se regrouper autour du même plat. Wadhkuru ismallah. Donc il faut invoquer le nom d'Allah, dire bismillah, yubarak lakum fi. Et Allah Azza wa Jal fera descendre la baraka dans ce plat-là. Et par la suite, eh bien, les compagnons pouvaient manger à leur faim. Donc nous, on doit essayer de tirer des leçons de cela, parce que maintenant, les gens suivent le mode de vie occidental qui apprend l'individualisme. Maintenant, en général, chacun mange dans une assiette. Alors nous, eh bien, il faut qu'on essaye d'apprendre, par exemple, aux enfants de s'habituer à manger ensemble. Donc si, par exemple, il y a un plat qu'ils se mangent à plusieurs, eh bien, essayer de placer le plat au milieu, de donner plusieurs cuillères pour habituer la famille et les enfants à manger en commun. Et au Yémen, par exemple, eh ben, les gens ont pour habitude de manger en commun. Lorsqu'on était à Damaj, lorsqu'on étudiait là-bas, eh bien, ils nous servaient une grande assiette comme ça. On était à peu près 10 toulabs, 10 étudiants sur une assiette. Ils nous servaient de la fasoulia avec du homs. Alors, quand tu voyais l'assiette, tu dis, cette assiette ne va pas suffire à 10 personnes. Mais au final, walillah alhamd, avec la baraka, eh bien, chacun mangeait à sa faim. D'accord? Donc, il faut s'habituer à manger en commun quand on en a la possibilité. On va citer un autre exemple de baraka. Le prophète, alayhi salatu wassalam, avait un grand plateau. On dit qu'il fallait 4 hommes pour porter ce plateau-là. Et une fois, il s'est retrouvé avec beaucoup de compagnons. Donc, il s'est assis, il s'est accroupi au milieu des gens, et un bédouin est venu le voir. Et donc, il s'est étonné de voir le prophète, alayhi salatu wassalam, accroupi au milieu des gens. Il s'est dit, comment? C'est le prophète, la meilleure des personnes, le meilleur des êtres humains, et il se retrouve assis au milieu de fuqara ou de masakin. Il se retrouve au milieu des pauvres. Alors que, en général, les rois se retrouvent assis sur des trônes et autres. Et comme vous le savez, ceux qui ont un haut rang, comme les stars et autres, ils ont de l'orgueil. Par exemple, les stars ne se mêlent pas, ils se sentent supérieurs aux autres. Donc lui s'est étonné, comment se fait-il que le prophète s'est retrouvé avec le masakin? Faqala an-nabi alayhi salatu wasalam, Inna Allah ja'alani 'abdan kariman. Il lui a dit, Allah azawajal a fait de moi un 'abd. Un serviteur karim, généreux. Il n'a pas fait de moi un tyran. Donc, cela indique la modestie, l'humilité du prophète. Et donc, comme on l'a dit, eh bien, les compagnons étaient très nombreux. Et il a dit aux sahaba de manger des bords et de laisser le milieu du plateau pour la fin. Et tous les compagnons ont pu manger à leur faim, wallillahi alhamd. Comme l'a dit le prophète, alayhi salatu wassalam, dans un hadith, al-baraka tanzilu wasat at-ta'am. Al-baraka descend au milieu du ta'am. C'est pour ça qu'il nous a dit de commencer par les bords du plateau, d'une assiette, et de laisser le milieu à la fin. Donc nous, on doit veiller à toutes ces causes-là de baraka. La deuxième question concerne le sahur. Alors, sachez que le sahur est quelque chose de mustahab, comme l'a cité l'imam al-Nawawi. L'imam al-Nawawi a dit que tous les savants étaient d'accord pour dire que le sahur est mustahab, c'est-à-dire recommandé. Et ce qui nous fait dire que c'est recommandé et non pas obligatoire est le fait que le prophète, alayhi salatu wassalam, a déjà jeûné plusieurs jours d'affilée. Donc si c'était quelque chose d'obligatoire, il n'aurait pas jeûné plusieurs jours d'affilée. La question suivante concerne le fait de retarder le sahur. Sachez qu'il est recommandé de retarder le sahur, le repas pris en fin de nuit, comme rapporté dans des hadiths d'Al-Bukhari et Muslim, où Zayd ibn Thabit a dit qu'ils avaient pris le sahur avec le prophète, alayhi salatu wasalam, puis s'étaient levés pour accomplir le salat. Et ils demandèrent combien est-ce qu'il y avait de temps entre l'Eden et le sahur. Qala qadar 50 aya. Il a dit le temps de lire à peu près 50 versets, ce qui fait à peu près 10 minutes, comme l'a dit Sheikh Mohammed ibn Hizam, hafidhallah wa ta'ala. Et remarquez ici au passage les sahaba, comment est-ce qu'ils ont approximé le temps. Ils l'ont approximé non pas avec 10 minutes, mais avec une ibadah, qui est la lecture du Coran, subhanallah. La question suivante est, que faut-il prendre au sahur? Ibn Qudama et également Al-Hafidh Ibn Hajar ont cité que n'importe quelle nourriture ou n'importe quelle boisson font l'affaire. On peut manger ou boire n'importe quelle chose. Et enfin, la dernière question concerne le fait de continuer à manger ou à boire pendant l'Adhan. Alors, il y a un hadith où le prophète, alayhi salatu wasalam, a dit « إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمْ نِدَا وَالْإِنَ عَلَى يَدِهِ فَلَا يَضَعُ حَتَّى يَقْضِ حَاجَةَ مِنْهُ » Le prophète a dit, lorsque vous entendez el-Evan et que vous êtes en train de manger ou de boire quelque chose, eh bien, terminer ce que vous faites. Par exemple, si la personne était en train de boire, eh bien, elle termine sa gorgée d'eau. Cheikh Mohamed Ibn Hizam a dit que ce hadith-là était hassan. Ce hadith-là est bon. Donc, d'après cela, eh bien, il est permis, si on entend les veines et qu'on est en train de boire, par exemple, de terminer sa gorgée d'eau. Il ne faut pas comprendre que lorsqu'on entend les veines, qu'on peut aller manger ou boire. Non, c'est juste dans ce cas-là précisément, il est permis de terminer, par exemple, ce qu'on est en train de boire. Donc voilà pour cette question-là. Wa ilayhi wa alhamdulillahi rabbil alamin.